Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, une histoire du dance floor, une série de Perrine Kervran réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a des nuits volées au sommeil et offertes à la danse. La température qui monte, le plaisir de lâcher prise et de sentir le cœur cogner et les basses vibrer dans l'estomac. Danser, en avoir mal aux pieds dans des endroits pensés pour ça et se demander ce que nos façons de danser disent de nos sociétés. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde ne pourra pas entrer. Alors pour commencer, les personnages. Le petit-fils du fondateur du Memphis, la reine de la nuit, une historienne qui danse, une autre qui fait des analogies, un spécialiste des nuits électriques, un historien des nuits parisiennes, un chorégraphe qui ne danse pas en public et une documentariste dansante. Ensuite le décor, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, le Faubourg Saint-Denis, des caves aménagées, un café à Belleville, des orchestres indociles, des cartes de membres, du whisky, des bals folk, des valses folles, des théâtres et des cours de twist. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive dans un bal de quartier. Vous aimez danser ? Oui. J'aime danser, oui. Où est-ce que vous allez quand vous voulez danser ? Eh bien, en été, je vais au canotier, au bord de la Marne. Et puis, en hiver, comme pendant le réveillon, là, j'étais dans un dancing sur le boulevard de Clichy, c'était pas mal. J'ai jamais été au Palladium, je ne sais pas comment qu'on y danse. Et soudain, Régine, Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés. Ça tape les pieds, c'était impossible, je vous dis, c'est impossible. J'aimerais bien apprendre à danser, mais... J'ai jamais essayé encore, parce que je sais pas, depuis que j'ai une petite fille, je me trouve plus yéyé. Mademoiselle, vous venez souvent au tabou ? Oui, tous les soirs. Et vous venez danser tous les soirs au tabou ? Je viens souvent, mais pas toujours pour danser. Vous ne venez pas au tabou pour flirter un peu ? Pas du tout. Ouh, ça, ça, du loup. Ouh, ça, ça, du loup. Quand ça ne va pas, on danse pour oublier. Et quand ça va mieux, on danse encore plus pour fêter ça. Alors forcément, après avoir dansé en cachette pendant la guerre, ils n'allaient plus se gêner. C'était la libération, ils étaient jeunes, ils avaient le cœur à la fête et soif de légèreté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'allaient pas danser comme leurs parents et sur les mêmes musiques. À Paris, ils avaient envie de quelque chose de nouveau et de battre. Et soudain, Régine, Montparnasse, Patrice Saint-Hilaire et Saint-Germain-des-Prés ont inventé les caves et les clubs. Il suffit de montrer patte blanche pour tout oublier et plus besoin de se coller comme avant. Il suffit de danser en se regardant bien droit dans les yeux. Mais au départ, le talent, comme toujours, c'est de savoir prendre les virages à temps. C'est grand-père. Il a commencé par monter un petit bal. Alors, immigré italien, il est arrivé dans les années 20 à Paris. Il était garçon de café. Éric Gay. Et donc, il a monté un premier bal rue Saint-Séverin, dans le quartier de Saint-Michel, mais qui était un quartier un petit peu insalubre à l'époque. Et donc, un petit bal qui était grand comme un mouchoir de poche, voilà. Donc, il a monté ça juste avant la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Il a eu l'idée parce qu'il était très élégant, il adorait danser. Et il allait rue de Lappe, évidemment, où il y avait de nombreux bals qui étaient tenus par les Auvergnats. Donc, il s'est dit, moi aussi, je vais faire ça. C'était tout petit, il devait y avoir un petit orchestre de quelques musiciens. Le grand drame, c'est qu'en mai 40, les bals ont été fermés à Paris, pendant toute la durée de la guerre, jusqu'en août 44. Alors à la libération, ça a marché du tonnerre de feu, puisqu'il y avait les Américains à Paris, il y avait évidemment une joie fantastique de tous les Parisiens pour enfin s'amuser. Donc il a mis sûrement quelques sous de côté, et... Il a prospecté dans des quartiers populaires, parce qu'il n'avait pas trop les moyens, une plus grande salle pour faire un vrai dancing, un grand dancing. Et puis, il est arrivé ici, donc au fond de l'impasse de Bonne Nouvelle, où c'était un entrepôt qui était à l'abandon, un entrepôt de tissus. L'ouverture officielle, c'était le 10 août 1946. Et ça s'appelait quoi ? Le Miami Dancing. Avant de vous donner le nom de notre invité de cette semaine, je vous dirai que son club est le rendez-vous de célébrités internationales. C'est Régine qui vient vous parler à cœur ouvert. J'ai commencé à danser avec mon père. Mon père était un grand danseur. Sur les bords de la Marne, parce que c'est là où il y avait les balles du samedi dimanche. Alors on déjeunait là à la Varenne et puis on allait danser. Et tout le monde disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle danse bien, cette petite fille. Et mon père, il se servait de ça pour draguer. Donc j'étais la dragueuse de mon père. C'est vrai. Et quand on danse mal, hein, c'est difficile de draguer. Et qu'est-ce qu'on jouait à ce moment-là? Eh bien, on jouait au bat d'oiseau. Le grand frisé. Le grand frisé. Ah bah tiens, Émile Vacher, si vous nous jouiez ça, hein, le grand frisé. Allons-y pour le grand frisé. Je me souviens d'anecdotes où j'ai un grand-oncle qui apprenait avec sa maman, avec un manche à balai dans la cuisine, et essayait avec sa maman de faire quelques pas, parce qu'évidemment, cette maman n'avait pas les moyens de lui payer des cours de danse, et donc les mamans entraînaient les fistons à danser, parce que c'était essentiel de pouvoir, de savoir danser. Bien danser. Non, vas-y, toi, maman, on refuse tout le temps. Et t'as pas la façon. Avec les filles, il faut toujours faire comme si c'était gagné d'avance. Bien. Je me disais, ça devait vraiment être à une époque des stratégies de séduction. Laetitia Carton. C'est vrai qu'une des premières valses où j'ai vraiment vécu cet effet-là, boulet de canon, où un vieux monsieur m'a fait tourner, je pense que j'ai fait 15 fois le tour de la piste, et je me suis dit, ah, mais en fait, c'était des stratégies pour les hommes, pour pouvoir emmener comme ça les femmes. Après, enfin, je sais pas comment on peut dire, pas au bord de l'évanouissement, mais ils nous promènent, quoi. C'est pas qu'ils nous malmènent parce qu'on est avec eux et on est obligé de les suivre et d'être dans l'écoute pour les suivre, mais c'est vrai qu'on perd un peu nos repères. Et je me disais, mais c'est très facile, après une valse comme ça, on peut faire ce qu'on veut de nous, quoi. Eh bien, je l'ai rencontré au bal. Ah oui, mais ça fait déjà des années. Eh oui. On faisait partie des poids mouches, on ne sait plus tout de suite. On faisait partie des poids mouches. Combien, 37 kilos, ma puce. Faut pas le dire. J'ai commencé à danser très très tôt, donc. Et puis il y a eu la guerre. Après la guerre, j'ai dansé au Mimi Pinson. Le Mimi Pinson, c'était l'endroit où on faisait toutes les danses et il y avait un concours de danse à chaque fois. C'était des danses à deux à l'époque ? Oui. C'était le tango, c'était le passo doble, c'était le charleston, c'était nain. Moi, je gagnais toutes les danses. Et tout le monde faisait ça. Alors moi, j'habitais Belleville, puisque mon père avait un café à Belleville. Et il y avait beaucoup de balles hein, le long de la rue de Belleville. Il y avait énormément de balles. Bien sûr, toujours avec de la musique live. J'allais déjà au bal à jour. C'était le bal des femmes d'ouvriers, de gens qui rentraient à 4h30, tout était fini. Donc, au vestiaire, il n'y avait que des cabas roulés comme ça, qu'on mettait. Ça m'amusait follement. Et à 4h moins le quart, la moisson était faite, ceux qui se plaisaient se donnaient rendez-vous ou pas. Et quand ils rentraient chez eux, ils étaient avec les poireaux et les navets et de quoi faire la popote. Alors 17 fritures dans un vieux faubourg tout chargé d'amour. T'en souviens du mon trésor? Oui, de 15 fritures. Alors il y avait dans certains bals un mélange, ce qui était le cas de la rue de l'Ape, où mon père m'expliquait qu'avant-guerre, il y avait de tout. Il y avait des gens de la haute société, avec de très belles voitures, qui venaient s'encanailler, entre guillemets, avec une population, même certains voyous. Il y avait des petits voyous à casquette qui étaient là. Il y avait un mélange tout à fait exceptionnel à l'époque, oui. Et il y avait ce mélange-là au Miami ? Non. Il n'y avait pas ce mélange-là, c'était une clientèle de gens qui travaillaient, de gens classiques, des coiffeuses, des employés, enfin bon, il y avait tous les métiers, une clientèle populaire qui était tout à fait mignonne, mais bon, pas des gens qui venaient en très belles voitures, ou des gens des beaux quartiers, parce qu'évidemment on était dans le quartier de la Porte-Saint-Denis, et donc on faisait partie de la partie populaire de Paris, hein, le Faubourg Saint-Denis, bon, quartier vivant, avec beaucoup de commerçants, mais... Mais où les jeunes vont-ils danser à Paris? Certains d'entre eux préfèrent aux boîtes de nuit trop chères et au dancing trop grand les petites boîtes ou les clubs. Celui-ci s'est installé sous les voûtes célèbres d'une cave de Saint-Germain-des-Prés. Combien avez-vous de disques? À peu près 1500. 1500. Et des disques français? Disques américains. Uniquement? Uniquement. J'allais danser à Saint-Germain-des-Prés, j'allais à la Rose Rouge, très ami avec les frères Jacques, et Nico Papatakis, puisque c'était lui le patron, était un grand ami. Juliette Zetko était là, elle était... Puis on allait dans des petites boîtes qu'il y avait là, en filles, mais on ne draguait pas. On allait pour voir l'ambiance et tout ce qui se passait à Saint-Germain. Allô, oui? Ici Lucien Bonnard. Allô? Allô, madame, voilà, je suis désolé, mais... Voilà, je voudrais voir Christine, alors, est-ce que je peux l'emmener dîner? Enfin, si ça vous ennuie pas. Ça ne m'ennuie pas, mais vous me la ramènerez de bonne heure. Sûrement, madame, sûrement. Voulez-vous me repasser Christine, s'il vous plaît? Où veux-tu aller? Ben, passe me prendre au Lorientais. Oui? Au Lorientais. Où as-tu rendez-vous? Au Lorientais, en principe. Moi aussi, il faut que j'y aille. Oui, va y aller. Que Antoine on va du Montana ou de la Romerie, qui sont sur le boulevard Saint-Germain, à la Pergola, qui est au début du boulevard Montparnasse, et puis le Tabou, rue Christine, et le Lorientais, qui est rue des Carmes. Hein. On est donc dans un tout petit espace de quelques centaines de mètres carrés, avec les deux cafés phares, que sont les deux magots et le flore, hein, au cœur du système. Vous venez souvent ici? Ah non, il y a trop de bruit. Ah ben moi, c'est pour ça que j'y viens. Venez, on va essayer de se faufiler jusqu'à l'orchestre. Après la guerre, on a ce qu'on appelle les balles de la libération. Sophie Jacquot. Et le swing, qui était cette danse interdite, en quelque sorte, pendant la guerre, qui représente les États-Unis, le jazz, tout ce que honnissent les Allemands et le régime de Vichy, qui va plutôt promouvoir les danses traditionnelles françaises. Le swing va continuer son ascension. On va rapidement, avec cette musique, le bebop, associer ce renouveau à, encore une fois, à une génération. Hein. Les Azou, c'est vraiment aussi un effet de génération. Et les caves de Saint-Germain-des-Prés sont en quelque sorte l'équivalent des dancings de l'après-Première Guerre mondiale. C'est aussi le lieu de la libération à tous les sens du terme. C'est-à-dire que voilà, Simone de Beauvoir l'a très très bien décrit en parlant de ces fiestas, hein, qui ne pouvaient avoir lieu que là. Saint-Germain, c'est un lieu où on pense, où on écrit, mais c'est aussi un lieu où on danse. Donc les caves de Saint-Germain, avec les deux plus fameuses, le Tabou et les Lorientais, il y a une sorte de trépidation, de danse, de jouissance tout d'un coup à se mouvoir, à composer ces figures qui peuvent être très élaborées, qui est le meilleur symbole, je pense, de la libération. J'ai hâte d'être à ce soir, de trop sentimental. Il est si beau. Un, deux, chaque un, invention deux, trois. Mais non, c'est nouvelle pas ça, d'une danse est une manière de contester les codes en présence. Et donc, en ce sens, les danses troglodytes, hein, comme on appelait à l'époque dans la presse les danses du Tabou, des Lorientais, étaient vues comme véritablement transe qui faisait exploser les bonnes mœurs, les conventions. Donc tout d'un coup, la cave de Saint-Germain-des-Prés, c'est une sorte de réaction contre l'occupation. Au sens où tout d'un coup la jeunesse retrouvait le pouvoir et le droit en quelque sorte de s'approprier ce qui avant était strictement réservé à l'occupant, qu'il soit allemand ou collaborateur. Allô, c'est vous? C'est moi. Juliette. Oui, oui. Oh non, pas très occupée, et vous? Si vous voulez, de m'asseoir? Oh oui, ça marche, ça marche. Oui, entendu. Vous n'avez pas d'idée? Eh bien, vous m'avez dit que ça vous amuserait beaucoup d'apprendre le tcha-tcha-tcha. Eh bien, je connais une boîte où ils ont des disques terribles. Mon père, qui était plutôt dans la restauration, il a été un petit peu parachuté ici, en 1955, donc à la mort de mon grand-père. Très vite, il avait inventé une formule moitié disque, moitié orchestre, parce qu'il estimait que l'orchestre jouait toujours un peu pareil. Et puis, il y avait ce chantage perpétuel. de l'orchestre qui d'un seul coup se mettait en grève ou ne voulait pas travailler. Donc très vite, mon père a inventé une formule moitié disque, moitié orchestre. Donc il avait monté une petite cabine disquaire au bout du bar où lui-même mettait ses disques. Et puis dans les années 60, quand cette mode yéyé est arrivée, mon père a compris que cette formule-là était complètement démodée et donc a transformé donc ce dancing qui s'appelait le Miami Dancing en Memphis. Donc 100% de musique enregistrée, évidemment sous forme de disque vinyle, plus d'orchestre. C'était une très grande économie à l'époque parce que l'orchestre coûtait très cher. Et puis l'orchestre, encore une fois, tenait, avait tout entre ses mains. Quand un disquaire était pas, ou un disque jockey n'était pas satisfaisant, bah vous le remplaciez assez rapidement. Ce qui n'était pas le cas d'un orchestre. Les discothèques, je les ai inventées parce que un mec amoureux qui mettait dans le jukebox quatre fois la chanson qui faisait pleurer tout le monde, et ben tout le monde s'ennuyait, c'était épouvantable. J'ai inventé ce truc-là parce que les jukebox m'énervaient, que moi je faisais un numéro avec un verre sur la tête, un mouchoir par terre, et que je ramassais ça, je me mettais à plat ventre, et je remontais, et ça faisait rire tout le monde, et que j'étais une grande danseuse. Vous faisiez ça où? Au Whisky à Gogo, où j'étais barmaid d'abord, dans deux boîtes qui étaient très à la mode. C'était un Whisky à Gogo qui était près des Champs-Élysées, où il y avait un serveur noir magnifique qui s'appelait Touré, qui après a eu une boîte, et qui dansait, mais alors d'une façon fantastique, on faisait des numéros de danse. Tu viens en suer une? Régine a vraiment été Jean-Yves quelqu'un d'important, mais Paul Passine aussi pour le Whisky à Gogo. Donc ce sont des gens qui sont à la fois dotés d'une certaine forme de politesse, d'accueil, de magnétisme, d'humour, cette capacité à rassembler les gens, à apporter une certaine forme d'énergie parmi les convives ou les spectateurs ou les clubbers, quel qu'en soit le nom qu'on veut bien leur donner. Et puis il y a cette idée d'une scénographie de la nuit. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait entendre maintenant? Si vous voulez, le mambo, miam miam. Comme c'était un endroit qui était fermé, je ne sais pas que c'était pas fini qui avait ça, c'était un film, Whisky à Gogo. Il avait pris ce titre, il était doué pour ça. Je lui ai dit, écoute, donne-moi ton endroit, moi je vais en faire la boîte. Donc on l'a repeint, on l'a fait comme ça. J'ai mis un linoléum, j'ai mis des fils avec des lumières que j'ai peints, les interrupteurs de l'époque avec l'acier dessus, et le bouton qui passe, qui fait que j'avais des ampoules énormes. La chance, c'est ça. Vous êtes au bon endroit, sur le bon trottoir, du bon côté ou pas. Voilà. Le Whisky à Gogo était placé d'une façon... C'était une petite cave, d'abord, avec trois étages. J'avais mon bar là. J'étais en face de chez Colette. J'ai pu comme ça la voir. J'étais en face du Grand Véfour, dont le propriétaire était un homme joyeux, généreux, et tout, et avec qui je dînais souvent, et qui m'envoyait toute sa clientèle. Les autres gens, je les refusais. Plus je refusais, plus j'avais la queue et du monde. Et il y avait le Palais Royal, la Comédie Française, rue Montpensier, il y avait Cocteau et Jean Marais, et à côté, il y avait une cave dans laquelle j'ai rencontré Serge Gainsbourg. Serge était pianiste, et c'était vraiment, pour descendre l'escalier, il fallait se tenir de chaque côté du mur. Tout ça, c'était dans ma rue, à portée de ma main. Moi, je m'en suis servi. Serge Gainsbourg, quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles chansons que vous venez d'écrire? Mais c'est qu'elles sont axées, cette fois, sur le jazz, le rythme et la danse. Pourquoi? Parce que je pense que le rythme est une manière de donner de la violence à un texte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis permis de mettre en mambo la nuit d'octobre d'Alfred de Musset. La première discothèque proprement dite, le Whisky à Gogo de Pacini, elle est de l'autre côté de la Seine. On retrouve le Palais Royal, elle ouvre rue du Beaujolais. Ensuite, elle se déplace vers la rue Marbeuf. Alors, qu'est-ce qui caractérise le Whisky à Gogo? Et puis ensuite, toutes les discothèques animées par Régine Silberberg. Ce qu'on retrouve dans ces espaces, c'est le système des doubles platines. C'est-à-dire voilà, avec un bouton inverseur qui permet de passer d'un morceau à l'autre, donc l'enchaînement des musiques, c'est quelque chose de très important. J'ai bien été obligé de passer mes disques moi-même, parce que quand j'ai enlevé les jukebox, le temps que le bras parte et qu'il revienne, il se passait un temps fou. Donc ça m'énervait, j'ai donc défait le côté mécanique, et je suis devenu la DJ. Mais pour être un bon DJ, il faut connaître bien la musique. D'abord, j'étais une chercheuse de musique. Donc, j'ai introduit le rock'n'roll, J'avais Elvis Presley, personne ne le connaissait encore. J'allais beaucoup en Angleterre. Et j'avais beaucoup de musique sud-américaine, parce que j'avais une grande clientèle. J'avais pu refaire Ruby Rosa, vous avez entendu parler de qui c'était. Il est devenu mon mentor. Et puis aussi, et ça c'est Régine, hein, qui est la grande prêtresse et grande metteuse en scène de la nuit, hein. L'œilleton. C'est Régine qui fait rentrer ou pas rentrer. Elle est la Cerbère et en même temps l'hôte comme ça de ces discothèques. Et l'ambiance, elle dépend aussi de qui rentre et qui rentre pas. Donc c'était un club privé, vraiment, mais réellement moi, mais déposé, parce qu'ils mettent loi de 1909, c'est pas des vrais clubs. Ils mettent juste ça pour faire peur aux gens. Et alors justement, c'était un club aussi au Whisky à Gogo ? Il fallait sa carte pour entrer ? Non, à ce moment-là, la carte, c'était moi. C'était une porte matelassée, très lourde. Il fallait donc que j'ouvre la porte chaque fois. Vous avez parlé d'invariants. Qu'est-ce qu'il y a comme invariants qui se mettent en place à ce moment-là ? Une sélection à l'entrée, parfois des bouteilles au nom de certains des noctambules les plus réguliers. Et puis ce brassage des populations, enfin un certain brassage, une élite basée sur un mélange entre, je sais pas, bourgeoisie, aristocrates, des gens qui ont des moyens et d'autres qui en ont beaucoup moins, mais qui ont pour eux l'élégance, le magnétisme ou l'excentricité. Vous dansez bien. Bien, n'est-ce pas Michel ? Mmh. Vous voyez, quand vous les connaissez, vous aimez les danses brutales. Mais le charleston n'est pas une danse tellement brutale, et puis on peut le danser serré, ce n'est pas comme votre cha-cha-cha. Mmh. La clientèle club, comme on disait à l'époque dans ces années 60, tout le monde, un ouvrier, n'allait pas en discothèque. Il y a eu quand même un changement de cette clientèle où les gens avaient beaucoup plus de moyens. Et d'ailleurs, même les boissons avaient été changées parce que cette clientèle qui allait dans ces bals musettes ou au Miami ne buvait pratiquement pas d'alcool ou en vendait quelques apéritifs traditionnels. Martini, bière, enfin des choses un petit peu désuètes. Là, on est passé au whisky, à la vodka, au gin, surtout le whisky. D'ailleurs, certaines discothèques s'appelaient whisky à gogo. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est l'orchestre du Whisky Club qui répète. Ils ouvrent la boîte dans quelques jours. Quand j'ai commencé au whisky à gogo, j'avais 21 ans, 22 ans. Et c'était que des boîtes de marques de whisky. Et à travers le whisky, si je voulais le faire. On peut faire tout un livre et toute une histoire. Parce qu'il y a eu la mode du Dimple et du White Label, après du Johnny Walker avec je ne sais plus quelle marque. Et les femmes ne buvaient pas de whisky. Donc moi j'ai inventé de mettre du Coca-Cola dans très peu de whisky, beaucoup de glaçons, et de mettre des bonbons à côté. Et tout le côté parade, si vous voulez, qui est amusant, des fruits. Et c'était plus convivial, surtout. Ben quoi, je vais prendre racine, moi. J'en viendrai t'arroser. Mon père a apporté des choses nouvelles. Et ça, ça date de la fin du Miami. Il a fait payer les gens à l'entrée, comme dans un cinéma. Alors que du temps de mon grand-père, les gens rentraient tout à fait librement. Il n'y avait pas de sélection. Et il y avait une multitude de garçons, de serveurs qui vous couraient après et qui vous demandaient ce que vous vouliez boire. Là, mon père a institué le fait de payer tout de suite à l'entrée et d'avoir une consommation automatique. La deuxième chose, c'est que n'avait pas fait Régine et les autres concurrents, c'est une très grande piste. Alors que chez Régine, la piste était grande comme un mouchoir de poche à l'époque, c'était tout petit. Mon père avait créé une très très très grande piste. Donc à l'époque, ça paraissait immense. Et les locataires se plaignent qu'ils ne peuvent pas dormir. C'est embêtant, ça. Et du coup, comment, après le whisky à gogo, vous avez ouvert votre endroit chez Régine ? Alors, j'ai ouvert mon endroit chez Régine en 57. Il y avait à côté une espèce de café-bar mal fréquenté qui s'appelait La Pergola. Et donc, c'était le sous-sol. C'était un escalier raide, et quand on voulait remonter quelqu'un, c'était très difficile. Derrière le rideau, il y avait les poubelles. C'était un endroit où il n'y avait pas d'air conditionné. Le téléphone était contre le mur. Il y avait un seul pipi room. Et Et c'est un endroit où toutes les stars sont venues. Toutes, aussi bien américaines, toutes que françaises. Que... Voilà. Et j'ai fait une carte de club sur un carton vert avec un banc de square. Car le décor, c'était un square d'origine. C'est-à-dire que j'ai mis des grilles comme un square. J'ai fait une loge où je mettais des sucettes. Il y avait le kiosque où normalement il y a la musique. Et on est allé chercher des arbres dans la campagne. On a mis des feuilles et tout. Et ça a été un fou rire total. Et là, j'ai piqué toute la clientèle de pas mal de petits endroits. Et là, on avait une carte de club. Et il y a encore des gens qui me les montrent. En disant, c'est des porte-bonheur. Dis donc, t'es pénible ce soir. C'est ce mec-là qui t'impressionne? Regarde la touche qu'il a quand il danse le cha-cha. Il n'est pas si vieux que ça. Quand même, il n'est pas jeune. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. La carte de membre, c'est quelque chose qui était très important à New York, pour que ce soit les clubs disco ou d'autres clubs plus anciens. Ça fait sans doute partie de cet héritage anglo-saxon du club. Quand on est membre d'un club parmi l'aristocratie britannique, peut-être que ça fait référence à cette idée d'une autre type d'élite, d'une autre aristocratie qui serait celle de la nuit, peut-être. Tu viens danser? Tu es aimable, ce soir, tu m'invites souvent? Non, non, j'admire. Ah, vous cachez vos jeux, hein? Tu ne m'invites pas parce que tu ne sais pas. Dis donc, hein, il se débrouille bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ce mec-là, il avait au moins 30 ans en 1925. C'est pour ça qu'il s'est dansé le Charleston. Moi, je danse pas les danses de vieux. Ah, vous êtes improbable. C'est pas une question de fortune. C'est une question de charme, la façon de parler. Il n'y avait pas de système social. C'était à l'amusement. Moi, je disais à tous les garçons qui n'avaient pas beaucoup d'argent, je leur disais, vous jouez au tennis, vous jouez au backgammon, vous jouez aux échecs. Non, apprenez. Vous jouez au poker. J'ai dit, soyez toujours le quatrième de quelque chose. Alors, il y en a un qui avait été très malin. Et un jour, je lui ai dit en riant, bah, écoute, t'as qu'à aller à tous les enterrements, signer et envoyer un petit mot. Hein. Et comme ça, il est rentré dans le grand monde. Et il s'est bien marié. Parce que du coup, c'était un peu sélect. Il fallait... Très sélect. J'avais deux filles qui étaient formidables sur ces 25 ans avec moi. Et puis surtout, je n'ai jamais eu de garde de corps, ni de... C'était pas mon truc. C'était moi qui vidais les gens. J'étais suffisamment coupante, expérimentée pour qu'ils ne reviennent jamais. Puis surtout, les cartes étaient marquées au dos que la personne qui ferait le moindre problème ne reviendrait plus jamais. Mais comment j'ai fait cette clientèle? J'avais des amis dans le monde entier. Je leur ai dit, voilà, je vais ouvrir un endroit. Imaginons, vous invitez les 500 personnes les plus chics pour réussir votre soirée. J'ai reçu 7000 réponses. J'ai envoyé une lettre à ces 7000 personnes où j'ai dit, voilà, j'ouvre un endroit. Répondez à ce questionnaire et renvoyez-le-moi. J'en ai 5000 qui m'ont répondu. Et j'ai envoyé 5000 cartes de club, gratuites. Et j'avais fait ma clientèle. La nouvelle, plus l'ancienne. C'est tout. Mais c'est très stratégique, en fait. Moi, je suis très stratégique, je suis très maline. Je suis une emmerdeuse. Je suis tout à la fois, quoi. Et vous n'avez jamais eu de problème avec la police ou avec des gens? Parce qu'on dit souvent qu'il y a des tentatives de racket quand on a des lieux comme ça. Vous n'aviez pas de problème, vous? Non. J'en ai jamais eu. Quand j'étais gosse, j'allais avec mon père. Il allait jouer dans des jeux clandestins. Il y avait tous les voyous, J'étais connu de tout le monde. Et je leur ai dit, voilà, moi, j'ouvre des endroits chics. Et si vous mettez le nez chez moi, d'abord, je vous adresse plus jamais la parole. Mais par contre, le soir, on se retrouvera à la Calvados. Mais c'était l'après-guerre. Hein. J'avais plein de copains qui étaient voyous. Je les connaissais depuis Belleville. Le tout, c'est de se faire respecter. Et savoir comment. Sans offenser. Voilà. Mon père, pour dire la vérité, il avait fait un tour d'espionnage chez Régine, qui n'était pas encore propriétaire de sa discothèque à Montparnasse, qui était simplement... Régine a commencé comme vestiaire et dame pipi. Elle est devenue très vite directrice gérante de cette discothèque. Et cette discothèque était la Quai Noire. Donc il y a ce lac Quai Noire qu'on retrouve au Memphis, qui est une des grandes caractéristiques du Memphis. Mon père s'était posé la question en allant en espion, en disant « mais c'est pas du miroir, c'est pas froid comme le miroir ou le carrelage ». Et il avait compris que c'était de la laque polyuréthane noire. Il y avait un deuxième élément aussi chez Régine qui l'avait frappé, c'était qu'elle avait, alors là c'était elle avait installé les haut-parleurs au-dessus de la tête des gens. Et ça, il avait retenu ça. Et le New Jimmy's, est-ce que c'est toujours au premier plan de la folie. Ben oui, c'est toujours au premier plan de l'actualité de la nuit. Mais je crois que le New Jimmy's, vous savez, c'est moi et c'est plein de gens. Tous les soirs, il y a un grand show qui se forme et qui est fait d'un tas de gens. Et voilà, donc ça ne me fatigue pas beaucoup, je m'amuse. Ce que font les autres gens dans la journée, en fin de compte, qui reçoivent à dîner et qui discutent, moi je le fais dans ma boîte, voilà. Donc sans rien dire à personne, j'ai trouvé un endroit qui était un ancien striptease boulevard du Montparnasse. Le propriétaire cherchait quelqu'un pour tenir cet endroit et avoir une idée. J'ai fait le Jimmy's, le New Jimmy's, parce qu'il y avait un Jimmy's qui existait avant et qui était très très très chic et très à la mode. Et comment vous l'avez décoré le New Jimmy's ? Exactement pareil que le Jimmy's, c'est-à-dire que j'ai trouvé une matière qui ressemblait à du marbre noir et on a fait des grands miroirs avec une matière qui n'était pas du tout à la mode, qui était un truc nouveau et qui était transparent, des boules, donc c'était des objets d'art. En bas, il y avait un bar rond, on appelait ça le sous-marin, et c'est là où je mettais tous les jeunes qui étaient trop jeunes pour être dans la boîte, mais que je laissais rentrer parce qu'ils faisaient partie de mon club de Jimmy's, mon junior club, et qui était pas mal remuant. Et j'ai mis des scopitones. Voilà, on ne faisait que danser. Ça ouvrait à 10h30. À 3h du matin, je donnais des spaghettis à tout le monde, pour qu'ils ne rentrent pas ivre-mort chez eux. C'était baroque. On dit que le secret du New Jimmy, qui tient le coup au premier rang des cabarets parisiens depuis des années, malgré toute la concurrence, et dans ce domaine-là, elle est grande aussi, on dit que si le New Jimmy tient, c'est à cause de Régine. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas à la tête du New Jimmy, il ne tiendrait pas ? Écoutez, je crois que le New Jimmy tient beaucoup sur moi, bien sûr, parce que je ne veux pas minimiser ce que j'ai fait, mais je crois aussi que le New Jimmy tient sur toute cette catégorie de gens, ce mélange en plus de gens, parce qu'il y a un grand mélange de gens qui est très gai, qui se renouvelle chaque soir. C'est un petit peu un spectacle sur l'ambiance, des décorations qui a beaucoup de charme et beaucoup, il y a un climat. Et vous savez, de toute façon, je serai jamais loin du New Jimmy's longtemps. Le maximum je peux rester loin, c'est 8 jours. Alors ça ne se ressent pas d'une façon importante. Et maintenant notre dernière information arrive sous forme de point d'interrogation. Le twist est-il dangereux? Le twist qui déforme les pantalons et les robes déforme-t-il aussi la colonne vertébrale? Allons-y les amis, ne c'est pas des sacrés, et s'il ne n'oublie pas, ne c'est pas des sacrés, on a volé tout en piste, allons-y les amis. Régine était une des grandes prêtresses du twist, hein, donc ça c'est, on est, disons, c'est ce qui devient très important au milieu des années 60, le twist qui est à la fois popularisé par voilà, toutes les vedettes yéyées et qui va trouver dans la discothèque son terrain privilégié. C'est vrai que les grandes discothèques à la mode, à ce moment-là, hein, vont chacune proposer des aménagements du twist ou du rock ou du jerk qui vont parfois leur faire conquérir un public, être le moment comme ça d'une mode éphémère qui fait qu'on va plutôt à certains moments au Saint-Hilaire ou au Bilboquet plutôt qu'au Jimmy's ou chez Castel, où chaque établissement propose une variante possible de la danse à l'époque. J'ai lancé le twist. Bien sûr, c'est moi. Hey you, I said everybody twist. Marie Dems, si vous êtes au Club Saint-Hilaire, c'est pour danser le twist. Non, c'est plutôt pour regarder le twist. Vous l'apprenez en ce moment ? Je l'apprends visuellement, oui, parce que j'ai essayé une fois, mais ça me donne des crampes d'estomac. Je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs. c'était juste au moment, à l'Alhambra, je veux dire, à la République, il y avait White Side Story. Donc, j'allais dans les coulisses et je suis devenu ami avec un garçon qui était un danseur de la troupe, qui s'appelait Michael Bennett, et tous faisaient ce geste-là, qui avait l'air de rien, mais qui était très compliqué. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, écoute, c'est le twist, mais c'est un vieux truc qui n'a jamais marché. Alors j'ai dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chanté un disque, qui a eu quelque chose? Il m'a dit, oui, il y a eu J.B. Shaker qui faisait Twist Again. Eddie Barclay, qui lui avait une maison de disques, moi pas, on a appelé sa sœur, on a envoyé notre grand-mère volante, c'est-à-dire qu'on avait une amie qui était la chef des cabines de première, parce qu'elle connaissait tout le monde, et qui ramenait tous les petits pots de caviar, parce qu'il y avait une poussette avec vraiment à manger beaucoup, c'était très chic. Elle m'a rapporté le disque, elle est allée voir la sœur de Michael Bennett, qui a retrouvé le disque, et la presse a écrit à la Twist Again, parce que comme j'étais bien ronde, donc il y avait tous les extraits de presse sur le twist. Eddie Barclay, mais vous le twist? Moi j'adore ça, je trouve ça très drôle. Et vous qui faites des disques, qu'est-ce que vous pensez que ça va tenir? Oui, ça va au moins tenir pendant 2 ou 3 ans, en même temps que le rock, puisque la musique est justement basée sur le rock avec un tempo moyen. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce qui se passe en ce moment, vous allez avoir une bonne démonstration de succès. Oui, oui, c'est mon premier cours, là. Et ça t'est... vous avez 8 ans, vous décidez à le... Oui, c'est-à-dire, au début, je disais, j'y vais pas, et puis du coup, je me suis quand même décidé, quoi. Oui. Parce que lorsque j'ai vu mes copains qui dansaient devant moi, quoi, je me suis paru un complexe, quoi, un peu. Et voici la dernière danse à la mode lancée par les De Vos, la Janka. L'attraction américaine au sens à la fois nord-américain et latino-américain va perdurer, hein, puisque avec le mambo, le retour de la samba dans les années 50, le rock and roll, le twist, et puis ensuite la salsa, on voit qu'il y a vraiment cette même attraction qui est tournée vers les Amériques, et que ce sont les Amériques qui donnent le ton. Et effectivement, cela s'accompagne de tout un lancement médiatique, hein, chansons, disques, scopitone, clips, enfin voilà. Moi, je ne danse pas ça. Oh, mais essayez, non? Non, non, je ne sais pas. Oh, écoutez, c'est très simple. 1, 2, allez, le pied droit en avant. Alors, le dimanche, je faisais une école de cha-cha, dont Jean d'Ormesson a fait partie. Voilà. Ceux qui dansaient le mieux, je leur mettais un macaron, professeur de cha-cha. Et il y a des hommes d'affaires dans les avions qui, de temps en temps, viennent me voir et me disent, vous savez, j'ai toujours mon macaron de professeur de cha-cha. Je dis, mais est-ce que vous dansez toujours? Oh non, ma femme danse pas. Voilà. Juliette, vous êtes un merveilleux professeur, mais je préfère les danses plus tendres. Je considère ces danses brutales comme l'expression parfaite de la sécheresse de cœur de la jeunesse actuelle. Très rapidement, au fil des années, dans ces années 60, les gens dansaient tout seuls. On commençait à danser tout seul. Et d'ailleurs, j'ai les vieilles photos où on voit à l'inauguration du Memphis et de la salle du sous-sol qu'on appelait le tube, les gens tout seuls dansaient le jerk comme des petits asticots, comme des vers de terre sur la piste. Tu ne m'as pas répondu. Oui, quoi? Tu as vu la mine que tu as? Oh, mais elle est normale, ma mine. En tout cas, moi, à ton âge, je ne sortais pas. Oh, mais c'est une autre génération. Généralement, c'est la jeunesse qui se prend d'un engouement pour une danse nouvelle. Ce sont les jeunes qui portent les nouvelles danses, qui les pratiquent, qui les échangent, qui les diffusent. Enfin, on reste fidèle généralement à la danse qu'on a dansée dans sa jeunesse, quoi. Et donc, de la même façon, on peut penser que la danse en solo est portée par une génération jeune, et à une époque dans les années 60, 70 où le bal au sens lieu où les gens dansent en couple, le bal devient ringard, rétro, et la discothèque va promouvoir plutôt la danse en solo, avec ensuite un nouveau retournement, puisque depuis les années 90, on peut dire, il y a un renouveau de la danse en couple assez fort, comme un besoin de renouer, de retrouver ce contact physique, ce lieu de séduction plus plus facile peut-être que la danse en solo, même si les répertoires des Balfox sont constitués à la fois de danse collective et de danse en couple. Ah, moi, c'est le Boston, le Charleston. Charleston. Le Black Boston, les vieilles danses, le Charleston, le Black Boston, le Boston. Mais je vais leur en demander un tout à l'heure. Il y a un Charleston, ma puce, je l'appelle ma puce, elle ne peut plus danser le Charleston. Alors ça, je ne vais jamais danser. On parle beaucoup dans les bals de aussi pourquoi on danse, comment on danse. C'est un milieu où il y a aussi beaucoup d'analyses. La question des pouvoirs se pose même complètement autrement. J'ai l'impression qu'en ce moment, on cherche plus à trouver un point d'équilibre. Même toutes ces questions de guideur, guidé, qui guide, qui mène, qui fait quel rôle. Les lignes sont en train de devenir assez floues, de se mélanger. Et cette question de trouver justement le entre, l'équilibre, sans qu'il y ait vraiment personne qui guide. Je pense que c'est une question très actuelle et finalement qui rejoint aussi tous les enjeux de notre société aujourd'hui sur les questions de genre et de sexe. Qui peut danser la décadence, Serge Gainsbourg ? Tout le monde. C'est une idée très simple, c'est le slow à l'envers. La femme tourne le dos à son partenaire. C'est très agréable. Ah oui ? Ah oui. Je pense qu'il y a des effets d'écho, et ça c'est certain, hein, entre les évolutions sociales et l'évolution des danses de bal qui sont ancrées dans cette société. On passe de danse collective et puis d'abord en cercle, hein, en cercle fermé. Les branles de la Renaissance, hein, ce sont des rondes, des danses où une communauté danse pour elle-même et dans lequel il n'y a pas de spectateurs. Petit à petit, on va avoir des rondes dans le milieu de la cour justement qui vont être des sortes de spectacles cette fois où une partie danse, une partie ne danse pas. Ensuite, les chaînes s'ouvrent et on a la forme la plus poussée de ça. Donc, ça sera les quadrilles dans lesquelles on a donc quatre couple, on passe à une danse beaucoup plus ludique, on échange de partenaires et le couple est présent, mais au milieu d'un groupe. On individualise déjà, si on peut dire, le couple, mais c'est un couple qui danse pour autrui. On danse le menuet face au roi, face à la cour. Tout cela change avec la danse en couple fermé, où là, on n'est plus en train de regarder l'assistance, on ne regarde que la personne qu'on a en face de soi, dans ses bras. L'étreinte est plus étroite et donc on sent beaucoup plus le corps de l'autre. J'ai fait la valse là-bas, moi, ici. Hein. Bah ouais. De trois quarts d'heure de valse, c'est pas comme le maintenant qu'ils sont en train de, ouais, de ouais, faire ouais. Des tics, là. Ah, ouais. Oui. On a fait de la java. On a commencé le Charleston. Ouais, ouais. Ouais, la valse, elle fait tourner la tête, quoi. C'est le but. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les valses, c'est quand vraiment ça tourne et qu'on trace et qu'on fait plusieurs révolutions solaires autour du soleil central. Parce que je vois une petite dérive en ce moment sur les parquets, c'est que les gens restent de plus en plus sur place dans leur cocon, tous les deux, là, en couple. Et qu'ils oublient que même les danses de couple, pour moi, c'est des danses collectives et qu'on est tous ensemble sur un parquet et qu'on doit, voilà, faire cette révolution et tourner tous ensemble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est certain que le couple fermé arrive à un moment où se cristallise le couple dans la société bourgeoise, un homme, une femme et la constitution d'un noyau familial autour de ce couple, et que au moment où ce modèle va éclater dans les années 60, 70, c'est là que la danse en solo arrive. Donc voilà, c'est sûr qu'on peut faire des liens. On peut en faire peut-être une lecture en termes d'histoire des corps aussi, et d'individuation, d'individualisation, d'autonomisation des corps. Pour le XXe siècle, c'est assez net, en lien avec une forme de libération, de la motricité, particulièrement pour la motricité des femmes. Et peut-être l'hypothèse pourrait être qu'on va tellement loin dans la sensation et le ressenti qu'on ne danse plus vraiment pour les mêmes raisons de sociabilité. Moi, je pense que c'est une ressentie du soi qui est plus intime. La danse nous permet d'être avec soi. C'est peut-être ça aussi, le phénomène qu'on peut observer plus tard dans le XXe siècle et aujourd'hui. Je dis souvent à des débutants que j'ai dans les bras pour la première fois en danse de couple, imagine-toi qu'on est une planète, nous deux, on va tourner sur nous-mêmes, mais il y a le soleil qui est au milieu de la pièce, et toutes ces petites planètes, tous ces couples doivent aussi tourner, faire une révolution solaire autour. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose un peu mythique, cosmologique, je ne sais pas comment dire, mais on reproduit comme ça le schéma du cosmos et de l'univers en dansant. Et je crois que ça participe à cette espèce de transcendance ou de sentiment d'oubli de soi dans la matière, le corps, l'organique et la musique et l'émotion, en fait. Vous voulez mener ou je mène? Trop bien. C'est la première fois qu'on me posait la question. C'est rigolo. C'est aussi le consentement, quoi. Ouais. J'ai dit non, allez-y. Je suis pas assez à l'aise. Voilà, j'ai 44 ans aujourd'hui, je suis passée par divers plaisirs de danser dans ma vie. Enfin, c'est très très multiple, très divers. Le premier, j'ai 5 ans, je fais de la danse contemporaine. Je sors d'un carton, on me demande de faire la feuille morte qui s'envole dans le vent. Je trouve ça génial, je me dis waouh, mais en fait on peut raconter une histoire avec notre corps. Je me dis ça à 5 ans, j'ai eu cette chance-là. Après, vers 13-14 ans, c'est à fond danse moderne, jazz. Là, c'est l'énergie, c'est quand même se montrer, faire partie d'un groupe. Il y a un truc très aussi inspiré, je pense. Alors, je suis seule, mais dans un groupe. Mais je crois que c'est le début du truc que j'adore, de me sentir un fragment d'un grand ensemble. Et je commence à avoir cet amour du corps dansant, du cœur, du gros cœur dansant, c'est-à-dire d'être seul mais ensemble. Voilà, ça a été le grand truc. Après, les balles, la rencontre avec les balles. Là, c'est autre chose, là, c'est la rencontre, donc c'est un plaisir presque sensuel de toucher un corps que je ne connais pas, comme ça, pendant 5, 6, 7 minutes, oser une intimité. Elle est assez confrontante, mais c'était pas mal aussi. Et puis aujourd'hui, je pense que ça s'accompagne aussi peut-être de la quarantaine. C'est plus le plaisir du lâcher-prise et de la transe. Je suis pas un fêtard. Mais parfois, il faut qu'il y ait Jérôme Bell. Il faut qu'il y ait un contexte très particulier pour que je puisse me détendre en compagnie et en dansant, qui est compliqué pour moi de danser. Je préfère observer les gens qui dansent. Ça, j'adore. J'adore faire ça parce que je crois qu'il se révèle beaucoup de choses. Et donc, c'est peut-être pour ça que moi, j'ai du mal à danser, parce que j'ai peur d'être un peu à nu. J'ai peur qu'on voit de moi quelque chose que je ne... Peut-être que je ne sais même pas, ou que je laisse échapper. Il y a quelque chose de cette... abandon, hein. Je pense que c'est ça aussi, hein. Danser, c'est s'abandonner. Et pour moi, c'est difficile. Là, on est dans ma cuisine à Paris. Par contre, là, je danse beaucoup, tout seul. Quand la chanson la plus nulle passe à la radio, je ne peux pas m'empêcher. Ou même, je la mets pendant que je fais la vaisselle ou des choses comme ça. Vous foutez de ma gueule! Mais moi je danse comme je le sens. J'ai pas besoin de vos codes pour danser, pour nager, pour dormir ou pour faire n'importe quoi. Et vos petits malins là qui dansent en suivant les codes et tous les manuels de natation. Je peux pas me détendre dans une boîte, quoi, je travaille. Je vois que des signes, je vois que des... du sens, de l'histoire... Du malaise, au contraire, je vois des choses très très profondes, très très très. Je vois leur histoire, je vois ce à quoi ils s'identifient, je peux voir d'où ils viennent, je peux connaître leur âge, je peux, enfin leur culture, je vois tout ça, je vois leur rapport à la musique. Non, c'est très éloquent. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup utilisé dans mes spectacles ce que j'appelle la danse populaire. Et c'est une danse de boîte. Une espèce de dandinement avec les bras qui se déplacent autour du corps d'une manière unique pour chacun. C'est ce que moi j'appelle la danse populaire ou la danse de boîte, justement. Donc je l'ai beaucoup utilisé parce que, je le dis encore, c'était éloquent. C'est toujours insoupçonnable. On ne sait jamais comment une personne va danser. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'elle était vulgaire, après, sans qualité, comme on dit. Ça m'intéressait justement de la mettre dans les théâtres, d'essayer de la faire penser. Et surtout, qui est quand même un des enjeux de mon travail, c'est toujours l'irréductible humain. C'est-à-dire que chaque être humain, même si on est aliéné, complètement construit par une société capitaliste, avec énormément d'images qui nous sont imposées, j'ai l'impression qu'à chaque fois, en tout cas, il y a une résistance. Donc, j'ai l'impression que chaque corps, chaque individu va en faire une chose tout à fait unique et personnelle. Et ça, c'est toujours très bouleversant pour moi de voir ça. Oui, parce que je pense que c'est un milieu, enfin c'est un microcosme, le bal, qui reproduit vraiment tous les enjeux de nos sociétés. Et puis qui pose la question de qui je suis, moi, dans cette société-là. Je suis à quelle place qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire que je n'ose pas quelles sont mes attentes? Est-ce que j'en ai ça se pose juste de manière plus aiguë, parce que justement, on est confronté sans cesse au corps de l'autre. On est dans la confrontation perpétuelle. Il y avait une idée de mettre une vitre très très isolante entre la scène et la salle et de faire une fête sur scène et que les gens verraient pendant 4 heures des gens danser. Alors bon, évidemment, ce qui est très beau dans la boîte, c'est que les gens ne sont pas en représentation. C'est ça qui est le plus bouleversant. Et c'est ce que j'essaie moi toujours de faire sur scène, c'est de ne pas mettre les gens en représentation. Il faudrait que les danseurs ne savent pas qu'il y a des gens qui ont payé 20 ou 30 euros pour les regarder faire la fête. Mais je sais que ça serait passionnant de voir les interactions entre les gens, comment le mouvement se propage d'un corps à l'autre, comment une idée tout d'un coup à l'autre bout de la salle vient et tout le monde s'en empare. Il y a une sorte de, finalement de chorégraphie naturelle qui se fait. En tout cas, il y a un oubli de soi. J'ai l'impression que quand je danse, je peux atteindre des états comme ça un peu méditatifs. Et puis ce plaisir à être avec plein d'autres personnes sur le même rythme, dans la même énergie, une espèce d'osmose et de connexion comme ça, et de former un grand tout. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'apporte deux fois plus de plaisir que danser toute seule. Vraiment, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à danser toute seule. La valse, madame. J'adorais ça. Sans m'arrêter, une demi-heure. C'est des concours entre nous. Moi, je me rappelle un moment chez mon psy, j'avais dit, mais j'en peux plus, est-ce que je peux danser? Elle m'avait dit, non. J'étais là, bon, je sais pas. Évidemment, elle n'avait pas les outils pour... Mais moi, j'ai l'impression que je fais ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que je suis un analyste de ça, en fait, c'est ça que je fais. Ce qui explique pourquoi vous ne voulez pas danser en boîte. Exactement. Exactement, parce qu'on verrait tout ça. Oui, c'est ça. Une intimité révélée comme ça, c'est toujours intense, quoi. Et puis, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce qui échappe. Oui, ce qui échappe au code, quoi. Enfin, c'est affreux. Donc, l'obscurité, l'alcool, il y a quelque chose chez les danseurs qui risque d'échapper. Merci à Antoine Debecq, Jérôme Bell, Sophie Jacoteau, Jean-Yves Leloup, Éric Guay et Régine. Merci à Laetitia Carton pour l'extrait de Grand Bal. Merci aussi à Paris Bal Folk. Prise de son, Gilles Gallinaro, Olivia Branger et Cyprien Delimerville. Archivina et documentation musicale, Annie Lozana, Marie Chauvin et Antoine Vuilloz. Singing in the Rain, deuxième version, Raymond Boisserie et son accordéon. Mixage, Claude Niort. Et soudain, Régine Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés, un documentaire de Perrine Kerbrand, réalisé par Anne Pérez. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter chez Régine, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode de la série sur l'histoire du dancefloor en partenariat avec Trax Magazine, Night Fever dans les discothèques. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, Une histoire particulière, La fabrique de l'histoire et Les pieds sur terre.